Le mardi 9 août, il est 12h30, voici vos informations à CKRL. D'abord, le Festival de musique du monde Mondo Carnaval sera de retour pour une troisième édition dans le quartier Limoilou. Plusieurs milliers de personnes sont attendues pour cet événement multiculturel, le plus important du genre à Québec, avec plus d'une trentaine de communautés ethniques représentées. C'est le lieu historique national quartier Brébeuf qui sera l'hôte les 3 et 4 septembre prochains de plus de 35 prestations musicales et dansantes. Valérie Clio, Wesley et Vox Sambou sont au nombre des artistes qui monteront sur scène. Et nouveauté cette année, le défilé déménage sur la 3e avenue et accueille la parade des jouets. Écoutons la présidente Douana Balzer sur la pertinence de tenir un tel festival dans le quartier Limoilou, suivi du porte-parole Vox Sambou. On est vraiment contents parce que Limoilou, c'est quand même un gros poumon, hein, un cœur dans la ville de Québec au niveau de la richesse multiculturelle. Donc, c'est très important de faire des petits pas pour prendre un peu plus de place, un peu plus d'ampleur dans notre ville. Et Limoilou, ça bouge. Mais tout ce qui est tradition musicale du monde, moi je veux soutenir ces genres de choses. En fait, moi dans mon nom c'est Vox Sambou, Voix sans frontières, même si on peut délimiter par rapport au Québec-Montréal, mais on est en fait, on est ici dans la même province, dans le même pays, sur la même terre. Et puis j'aime beaucoup la mission, parce que la mission c'est de rassembler les gens, de créer des ponts. Alors moi je travaille, ça fait... plus de 12 ans à Côte-des-Neiges. Vous savez, Côte-des-Neiges, c'est un quartier très multiculturel. Alors, le monde est là. Et puis, mon band reflète ça aussi. Alors, on ne croit pas vraiment dans les divisions, des trucs comme ça. On croit dans le rassemblement. C'est pour ça, quand j'ai vu Dorina, elle m'en a parlé, j'ai dit, vous savez quoi, si je peux soutenir de n'importe quelle façon que ce soit, on va être là. Passons à une nouvelle économique, la compagnie Théo Taxi du Dragon Alexandre Taillefer, qui poursuit sa progression à Montréal. L'homme d'affaires s'est porté acquéreur ce matin de la plus grande flotte de taxis de la métropole. Il s'est procuré les 1100 permis de la compagnie Taxi Diamond, faisant de Théo Taxi la plus importante du genre à Montréal, avec des parts de marché désormais de 40%. Alexandre Taillefer, qui n'a pas indiqué ses plans pour la ville de Québec, il n'a pas caché son intention cependant de faire des acquisitions dans de nouveaux marchés. Rappelons que le modèle de Théo Taxi repose sur les technologies électriques et un service à la clientèle de qualité. Ces chauffeurs sont salariés de l'entreprise. Et terminons en parlant des Jeux de Rio, CKRL qui continue de suivre pour vous la progression de nos athlètes. Et le judoka Antoine Valois-Fortier, originaire de Québec, a ce matin atteint les quarts de finale du tournoi olympique de judo. L'athlète de 26 ans qui a eu le dessus sur le français Loïc Pietri au premier tour, puis sur l'argentin Manuel Luchansi en huitième de finale. Antoine Valois-Fortier qui peut légitimement prétendre alors pour ces Jeux. On va suivre les développements de tout ça ici à CKRL. Et voilà qui complète ce bulletin d'information. Retournons à l'émission Midi Jazz.